dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Aujourd'hui, les promesses de la forêt. Depuis quelques années, on constate un véritable engouement pour les arbres et la forêt. Un ingénieur forestier allemand a conquis les foules avec sa vie secrète des arbres. Mais les Français n'ont rien à envier aux Allemands. En France, nous avons un des spécialistes mondiaux de la forêt. Francis Martin dirige le laboratoire d'excellence arbres à l'INRA de Nancy. Des forêts, Francis Martin connaît tout ce que l'on en sait aujourd'hui. Ce qu'il apprécie particulièrement, c'est ce que nous ne voyons pas lorsque nous marchons dans les bois. Le monde passionnant et grouillant de vie qu'il y a sous nos pieds. Le monde des racines, des bactéries et des champignons. Francis Martin est l'auteur d'un ouvrage qui est paru aux éditions Humaine Science, Sous la forêt. Pour ce chercheur passionné, affable et amoureux de la nature, la Terre est une planète verte. Les aventuriers sur France Inter. Les forêts. La planète Terre, c'est une planète verte. On dit souvent que la planète Terre, c'est une planète bleue, mais quand on la regarde de l'espace, on voit une couleur émeraude, une couleur verte. C'est les massifs forestiers, les immenses forêts qui couvrent l'Amérique du Nord, l'Asie, une bonne partie des zones tropicales. Donc la forêt, c'est 30% de la superficie sur notre planète. Qu'est-ce qui peuple ces forêts ? D'abord, beaucoup d'espèces d'arbres. Beaucoup. 60 000 espèces d'arbres, probablement, sur notre planète. Les forêts tempérées en Europe sont relativement pauvres en espèces. En France, on connaît 117, 118 espèces d'arbres. Mais si on se déplace vers les tropiques, la forêt amazonienne, la forêt guyanaise, par exemple, on a plus de 17 000 espèces d'arbres. Donc la forêt, c'est avant tout un peuple d'arbres. Mais avec ce peuple d'arbres vit une multitude d'organismes. On connaît les oiseaux, on connaît les insectes, mais il y a également des plantes qui vivent sur les arbres, les plantes épiphytes, certaines orchidées vivent sur les branches, et puis le peuple des microbes, les micro-organismes, ceux qu'on voit peu ou qu'on voit mal, mais qui peuplent par millions les branches, les troncs et les sols des forêts. Francis Martin, est-ce que vous avez compté les arbres qui vivent sur Terre? Moi, je ne les ai pas comptés, mais un collègue américain qui les a comptés, il en a dénombré 3000 milliards. Donc la planète Terre, elle est avant tout une planète de plantes et une planète d'arbres. 3000 milliards d'arbres, nous ne sommes que combien, 8, 9 milliards sur notre planète. Donc les hommes sont bien moins nombreux que les arbres. 16 octobre 1975, France Culture, la forêt et les hommes, François Lapoix, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. On veut faire dire à la forêt des choses qu'elle ne dit pas, parce qu'on amène en forêt tout ce qu'on a derrière soi d'urbain. On veut qu'elle soit propre, claire, nette, que les animaux ne s'entre-dévorent pas, parce que c'est pas beau de montrer un rapace qui mange un petit animal. On a déformé l'idée de la forêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Lapoix ? Oui, absolument. Si vous allez dans une forêt tropicale ou une forêt boréale de l'Alaska, elle est impénétrable, cette forêt. Les arbres vivent, bien sûr, mais les arbres meurent. Les troncs sont laissés à l'abandon sur le sol. Les mousses recouvrent ces branches et ces troncs morts. Et la forêt devient très vite impénétrable. C'est très différent de la forêt qu'on connaît en France. La forêt de Fontainebleau, les grands massifs forestiers qui sont gérés par l'Office national des forêts. On a de magnifiques futaies. Ce sont plutôt des parcs. Et ça n'a rien à voir avec la forêt sauvage. Toutes nos forêts françaises de l'Hexagone sont aménagées, sont cultivées. Oh oui, il n'y a plus de forêts primitives en France. Même les zones qui sont aujourd'hui dites réserves naturelles, les zones dans lesquelles les forestiers n'interviennent plus, ça représente une toute petite partie de la surface forestière française. Et dans tous les cas, ça n'a rien à voir avec la forêt primitive qui couvrait le continent européen il y a 10 000 ou 11 000 ans. Comment vont-elles les forêts françaises ? Alors, il y a 6 000 ans, 7 000 ans, donc on avait une forêt magnifique. Le territoire français était ce qu'on a toute la partie de l'Europe, dont la France, l'Allemagne, était recouverte d'une immense forêt de chênes, de hêtres, où les hommes étaient relativement peu présents. Mais quand les premières tribus néolithiques ont commencé à peupler l'Europe, bah, chaque fois qu'elles installaient un village, elles coupaient les arbres. Et puis, l'intervention de l'homme est devenue de plus en plus forte, jusqu'au Moyen-Âge, où plus de la moitié des forêts françaises avaient disparu. Alors, heureusement, un certain nombre de rois de l'époque, en particulier Louis XIV, sensible à la forêt, qui voulait surtout des arbres magnifiques pour faire ses galères, demande à Colbert de contrôler les coupes et édicte un certain nombre d'ordonnances qui vont, à partir du XVIIe siècle, contrôler l'aménagement forestier, l'aménagement sylvicole. Et depuis cette époque-là, les forêts se portent plutôt mieux. Mais il faut attendre quasiment le début du XIXe siècle, vers 1820-1830, pour que des grands plans de reboisement forestier se mettent en place en France, en particulier le plan montagne, donc toutes les zones où les forêts avaient été coupées et de ce fait subissaient des érosions massives qui provoquaient des inondations. Il y a eu une prise de conscience très forte en 1800-1824, et à partir de cette époque-là, on a incité à reboiser les zones qui avaient été pâturé. Et depuis, la forêt ne fait que croître. Et aujourd'hui, la forêt française, c'est 17 millions d'hectares. Elle a quasiment doublé en moins de 25 ans. Et chaque année, elle s'accroît de 100 000 hectares. Donc la forêt française est en bonne santé. Et c'est une forêt cultivée. Mais c'est une forêt aménagée et cultivée. Les techniciens forestiers, qui appartiennent à l'Office national des forêts ou bien à des sociétés privées, aménagent cette forêt. 25 décembre 1972, France Inter. Philippe Leclerc de Haute-Cloque, président de la Fédération des propriétaires forestiers. J'ai trop entendu le ver de Ronsard, bûcheron arrête ton bras, qui a fait croire à des gens bien intentionnés que c'était un crime d'abattre un arbre. Donc, ceux qui aiment la forêt, en se disant « ne coupons pas un arbre », l'aiment peut-être, mais très égoïstement. Car si on les suivait, eh bien, les générations suivantes auraient affaire à une forêt vieillie, une forêt qui ne produirait plus, et une forêt qui serait dégradée. Et, non seulement cela, mais pour son rôle très direct de protection de la nature, voyez-vous, ça serait une forêt qui ne jouerait plus son rôle. Je rappelle ceci. C'est que la forêt est probablement la plus belle usine du monde. Tout simplement pour une raison. C'est que non seulement sa production, le bois, est utile à l'homme, mais son déchet est quelque chose de fondamentalement précieux, car le déchet, c'est l'oxygène. Plus une forêt produit de bois, plus elle relâche d'oxygène. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je partage pas complètement ce qui vient d'être dit là. Je pense qu'effectivement on a, il faut aménager, il faut cultiver. Nos sociétés occidentales modernes ont besoin de bois. Il faut donc continuer à planter des arbres, à les cultiver, à avoir des parcours sylvicoles, des techniques qui permettent de gérer cette forêt de la façon la plus raisonnable. Le bois effectivement est un matériau qu'on doit utiliser probablement encore plus aujourd'hui, mais pour avoir parcouru les forêts sauvages de l'Alaska ou de l'île de la Réunion ou de la Guyane, une forêt sauvage, c'est magnifique. Elle a une diversité extraordinaire. On trouve beaucoup plus d'espèces dans ces forêts sauvages que dans les forêts européennes, qui sont quand même des jardins plus que des écosystèmes naturels. Et la biodiversité, elle accompagne ces forêts sauvages. On trouve beaucoup plus d'insectes, d'animaux, de champignons, d'oiseaux dans ces forêts sauvages que dans nos forêts tempérées, aménagées. Donc, nos forêts aménagées vont bien, mais d'autres forêts, qui sont peut-être moins aménagées, ne vont pas très bien quand même. Après, il y a une partie de la planète où la forêt est complètement surexploitée. Évidemment, on pense au Brésil, ou en Amazonie, pour la culture du soja, on exproprie les indigènes et on massacre la forêt amazonienne, en tout cas on l'exploite de façon excessive. En Indonésie, l'île de Bornéo a perdu quasiment 50% de ses forêts vierges en l'espace de 25 ans. Donc là, c'est sûr qu'il y a des parties de la planète où la forêt est surexploitée, elle est en danger. Qu'est-ce qu'on peut dire des forêts boréales ? Alors la forêt boréale, fort heureusement, si on, à l'exception de ces forêts du nord canadien qui peuvent être parfois surexploitées, par ces multinationales qui font plutôt de l'exploitation minière de la forêt, des coupes à blanc massives. Il y a d'autres parties du globe, je pense en particulier à la Sibérie, au nord de l'Europe, en Scandinavie, où là les forêts sont relativement peu altérées, l'homme n'y est pas encore vraiment pénétré. Et là, ce sont d'immenses massifs forestiers qui subissent des contraintes très fortes. Hein. On est proche du cercle polaire, la croissance des arbres est lente, mais malgré tout, au bout de 2, 3, 4 siècles, on a des écosystèmes qui ont atteint leur équilibre et qui sont magnifiques. À quoi ça sert une forêt ? À quoi ça sert une forêt ? Bah, la planète Terre, elle a été façonnée, sculptée par les forêts. Il ne faut jamais oublier que les plantes sont les organismes qui produisent l'oxygène en captant le gaz carbonique de l'air, en utilisant l'énergie du soleil. Elles sont capables de photosynthétiser, c'est-à-dire de fabriquer des sucres. Et au cours de ce processus, elles cassent la molécule d'eau. Et en cassant cette molécule d'eau, elle libère l'oxygène, qui a complètement transformé notre planète. Nous ne serions pas là si les plantes n'avaient pas inventé la photosynthèse et si les plantes ne couvraient pas notre planète, en tout cas les continents, les terres émergées. Et les forêts représentaient et représentent toujours une partie importante des plantes qui vivent sur les terres émergées. C'était Delgrise. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Il y a donc sur Terre 3 000 milliards d'arbres, 67 000 espèces répertoriées, 137 dans l'Hexagone. On sait depuis peu que ces arbres communiquent entre eux, savent se protéger des agresseurs. Ils sont sensibles à la lumière, certes, mais aussi au toucher et aux odeurs. Certains auraient même trouvé le secret de l'immortalité. Francis Martin est un des spécialistes mondiaux des arbres. L'arbre est l'un des plus grands organismes sur notre planète. Qu'est-ce qu'un arbre ? La définition est difficile. On demande à un enfant qu'est-ce qu'un arbre, il va répondre un arbre, c'est une plante qui a un tronc. Bah, oui, mais il y a d'autres plantes comme les palmiers qui ne sont pas des arbres, qui ont également un tronc. Mais c'est vrai qu'un arbre, il fait du bois. Mais la lavande fait également du bois. Donc en fait, définir un arbre sur ses critères de forme ou ses critères de sa constitution est parfois un peu délicate. Mais la plupart d'entre nous s'accordent à dire qu'un arbre, c'est un tronc, une canopée, c'est un houppier, là où les feuilles, et puis sous terre, un immense réseau racinaire, un réseau souterrain. On dit qu'il y a autant de racines sous terre qu'il y a de branches au-dessus. Oui, il y a parfois même plus de biomasse racinaire souterraine que de biomasse aérienne. On réalise pas ça quand on se promène en forêt. La plupart des promeneurs qui parcourent la forêt de Fontainebleau sont émerveillés par les troncs qui s'élancent vers le ciel, par le houppier, cette masse de feuilles qui vibre, qui tremble sous le vent. Et très rarement, ils creusent et regardent ce qui se passe dans le sol. Alors que nous autres chercheurs qui travaillons sur le système racinaire des arbres et sur le cortège de micro-organismes associés à ces racines, eh bien, on prend une pelle, on gratte le sol et là on s'aperçoit qu'on a des milliards de racines qui alimentent les arbres. 16 novembre 1975, France Culture. Philippe Leclerc de Haute-Cloque, président de la Fédération des propriétaires forestiers. Les arbres, vous savez aussi, ont toutes les qualités des humains, mais ils ne parlent pas. Alors je dis que la forêt trompe son monde. Bien souvent, je dis à quelqu'un qui grave ses initiales sur le dos d'un arbre ou les initiales de sa petite amie, eh bien s'il le ferait sur le dos de son chat, il me répond que non, de toute évidence, parce que ça lui est pas venu à l'esprit que l'arbre était aussi vivant que le chat, sauf que l'arbre ne crie pas, évidemment, quand on lui grave des initiales sur le dos, tandis que le chat, je crois qu'il a des réactions un petit peu plus mouvementées. Alors, l'arbre, être vivant. Être vivant, être sensible. Ces cellules sont assez proches des cellules humaines dans leur mode de fonctionnement, dans leur construction, dans leur constitution. Donc les arbres sont des êtres vivants, sont des êtres sensibles. Ils ne parlent pas, dit-on. En tout cas, ils ne vocalisent pas. On ne les entend pas en forêt parler, mais ils échangent, ils communiquent. Ils dialoguent, mais par le biais de molécules, d'odeurs, de parfums qui sont libérés par les feuilles ou par les racines. Ces odeurs sont perçues par les autres arbres de la forêt et servent de moyens de communication. Francis Martin, est-ce que vous avez une histoire d'arbres qui communiquent ? Imaginez un être centenaire, magnifique, dans sa forêt avec ses millions de feuilles. Et puis arrivent des chenilles. Les chenilles qui, évidemment, vont s'alimenter, brouter, avaler les feuilles de l'arbre. Eh bien, dès que la chenille commence à brouter les feuilles de ce être, il va émettre des molécules volatiles qui vont se propager à travers la canopée, à travers le houppier, à travers toutes les feuilles qui constituent cet arbre, qui vont attirer des guêpes parasites de la chenille. Donc là, on a un mécanisme très complexe à plusieurs partenaires. L'insecte qui vient brouter la feuille en réaction émet une molécule d'alerte. Cette molécule d'alerte est perçue par un autre insecte qui est le prédateur de celui qui vient de brouter. Et la guêpe va s'approcher, pondre ses œufs dans la chenille qui est en train de brouter et ainsi conduire à sa mort. Éliminer la chenille, c'est incroyable cette histoire. Ça montre bien la complexité de ces mécanismes d'interaction entre les organismes de la forêt. longtemps qu'on regarde les arbres comme des êtres vivants. On dit qu'ils communiquent donc, on dit aussi qu'ils entendent, qu'ils voient. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça fait plusieurs siècles que le scientifique s'intéresse aux arbres. C'est vrai que ces dernières décennies, les progrès de la biologie, les progrès de la génétique, les progrès de l'écologie ont permis de progresser de façon considérable. Et on en sait beaucoup plus aujourd'hui qu'au début du XXe siècle. On sait en particulier que les arbres sont des êtres sensibles. Donc ils sont capables de percevoir des odeurs, de percevoir la lumière. Ils ont leur corps est recouvert de petits récepteurs qui leur permettent de distinguer la lumière rouge, par exemple, la lumière bleue, mais également de capter l'énergie du soleil. Donc ils ont des yeux qui couvrent la totalité de leur corps. Ils sont capables d'avoir un toucher. Quand un arbre est touché par un insecte ou quand un homme va toucher des feuilles, cette présence est perçue par l'arbre. Les arbres et les forêts sont très à la mode en ce moment. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est pour ça que je suis ici. Pas forcément. Il y a de plus en plus de gens qui vont en forêt pour presque se soigner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis convaincu que la forêt... C'est certainement dans notre mémoire collective, dans nos gènes, la forêt a un effet bénéfique sur l'humain. C'est un lieu où il y a une vraie sérénité, où les formes, les couleurs, peut-être elles nous rappellent ce que nos ancêtres primates qui vivaient dans les arbres ont connu. Est-ce que vous leur parlez ? Aux arbres ? Non, ça fait longtemps que je n'aurais pas parlé. Peut-être il y a une vingtaine d'années, je me promenais en forêt, je leur parlais. Mais en tout cas, je sens leur présence. J'ai l'impression d'être qu'ils me regardent, qu'ils me suivent quand je me promenais en forêt. 23 novembre 1987, FR3. Tout a commencé un beau matin, lorsqu'un arbre, au loin, l'a appelé. Je me suis sentie attirée là, le matin, ça m'a fait sortir de mon lit, le matin très tôt quand même, vers 6h30, 5h15, et pieds nus. Et pendant toute la semaine, on m'a appris l'énergie du corps. On m'a fait inspirer, d'abord éliminer les énergies brûlées. Et après ça, je pouvais recevoir des messages. Par exemple, plus loin, il y a un être qui est blessé, et bien un jour, en passant dessous, j'ai eu envie de m'asseoir, et il m'a dit... Pourquoi faut-il que les hommes soient si durs avec les arbres ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Jamais aucun arbre m'a parlé comme ça, jamais aucun arbre ne m'a appelé le matin. Dommage. Dommage, peut-être, oui. On ne sait pas si les arbres parlent. Encore une fois, les arbres sont des entités extrêmement sophistiquées, complexes. Mais comme dit Francis Allais, ce sont des altérités. C'est-à-dire qu'on est, c'est comme si nous étions face à un jupitérien ou à un alien venant d'un autre univers. Et qu'est-ce que vous pensez du concept de racine-cerveau ? Oh, il n'y a aucun élément en faveur de cette hypothèse-là. Hein. Moi, je travaille sur les racines depuis plus de 35 ans, j'y ai jamais vu un cerveau. Que le système racinaire des arbres ait une activité coordonnée, que l'ensemble des petites racines de l'arbre, et encore une fois, c'est plus d'un milliard de petites racines de radicelles qui sont portées par un chêne centenaire, ce système-là est irrigué d'informations qui coordonnent l'activité métabolique, nutritionnel, l'absorption des éléments du sol, tout est parfaitement coordonné, mais pas par un cerveau centralisé. Tout est organisé par le biais de réseaux de signaux et de réseaux de molécules. Et ce système racinaire coordonne son activité avec la partie aérienne, avec les feuilles en particulier, pour déterminer les flux de sucre, les flux d'acides aminés qui vont transiter des feuilles vers les racines. Et puis les racines vont comprendre... saisir un certain nombre de signaux venant des parties aériennes pour envoyer vers ces parties aériennes la quantité d'éléments minéraux, azote ou phosphate, nécessaires à la croissance de la feuille et des millions de feuilles. Donc c'est un organisme extrêmement coordonné. Mais il n'y a pas de cerveau centralisé. Comment est-ce que vous les étudiez, les arbres ? Vous aimez bien prendre l'exemple du peuplier. Qu'est-ce qu'il vous a appris, le peuplier ? Alors, il nous faut quand même des arbres qui soient manipulable, qu'on puisse reproduire facilement et éventuellement qu'on puisse, dont on puisse manipuler le génome. Et là, le peuplier est devenu le rat de laboratoire des biologistes des arbres. C'est une plante qu'on peut facilement cloner et qu'on peut propager. Il suffit d'avoir un petit morceau de tige de peuplier pour en générer, en produire des dizaines, des centaines ou des milliers. Il pousse relativement vite pour un arbre. En quelques mois, on peut avoir un arbre qui peut faire 2 ou 3 mètres. Son génome a été complètement séquencé, décrypté. On a tous les outils pour comprendre comment il fonctionne. Et on est également capable de le modifier génétiquement. Mais toujours dans des conditions très contrôlées, celles du laboratoire. Hein, c'est évidemment, ces peupliers génétiquement modifiés ne sont pas libérés dans la nature. Les travaux qui sont conduits à l'INRA sont extrêmement réglementés. Mais nous avons des lieux, des serres, où on peut entretenir et cultiver ces peupliers qui sont modifiés génétiquement. Et en manipulant génétiquement ces arbres, on peut comprendre comment ils fonctionnent. Et dans un instant, Francis Martin nous parlera d'un monde qu'il connaît bien, le monde fascinant et invisible des sous-sols forestiers. Also terrified, beyond quantified, over secluded and way over guarded. Also idealized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? My flesh is sold. History drained. My heart pained. Hands get dirty every time I touch gold. Ever secluded and way over guarded. Also idealized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? Wait for the crash, we'll never go back. I see you, I feel you, the perfect collapse. Can I be on both sides? La grande passion de Francis Martin, qui dirige un laboratoire d'excellence à l'INRA de Nancy, est ce qui se passe en sous-sol. Sous nos pieds, il y a un enchevêtrement de réseaux souterrains, de filaments, de racines et de champignons. Les champignons et les arbres ont passé des pactes. Les radicelles, les milliards de radicelles d'un arbre d'un chêne adulte sont toutes recouvertes d'un manteau, d'un manchon de champignons. Alors le champignon dans ce cas, c'est pas le champignon que vous ramassez à l'automne, c'est pas la fructification que le promeneur ramasse à l'automne et mange. Non, ce sont des filaments microscopiques qui font 0,01 mm de longs tubes qui parcourent le sol et qui peuvent rentrer, qui souvent rentrent en contact avec les racines. Et dès que ce contact est réalisé, ces filaments de champignons entourent la racine, la recouvrent complètement. Ils servent à quoi ces champignons? Qu'est-ce qu'ils apportent aux arbres? Alors, ce champignon qui entoure la racine, il va créer deux réseaux. Un premier réseau de filaments qui va parcourir le sol, sur plusieurs dizaines de centimètres, parfois même sur plusieurs mètres. On compte à peu près, c'est pas facile à mesurer, hein, mais on a quelques chiffres, on peut compter un kilomètre, mesurer un kilomètre de filaments de champignons par mètre de racine. Wow. Donc en fait, le système racinaire de la plante, ce système que l'arbre a développé pour absorber des éléments nutritifs et l'eau, il est multiplié par mille. Donc ces champignons vont jouer un rôle extraordinaire en stimulant l'absorption et de ce fait la croissance des arbres. Donc ça, c'est ce premier réseau de filaments microscopiques qui est capable de prospecter le sol, qui est capable de s'immiscer dans les moindres anfractuosités du sol pour y pomper, y absorber les éléments minéraux et les transférer le long de ce réseau, un peu comme des pipelines, des tubes qui vont alimenter la racine et de ce fait l'arbre. Et puis, sans champignons, pas d'arbre. Ah bah, moi j'en suis convaincu. Sans champignons, on n'aurait pas de... Pas, sans champignons mutualistes, sans champignons symbiotiques, on n'aurait pas de plantes sur notre planète. Ou alors elles auraient bien du mal à survivre sur les sols qu'on connaît aujourd'hui. Et puis un deuxième réseau, qui lui est très difficile à observer, un deuxième réseau de filaments de champignons, il nous faut un microscope pour l'observer, il faut couper la racine, il faut sectionner la racine, et là, si on a les outils adéquats, un bon microscope, on s'aperçoit que le champignon est capable de pénétrer dans la racine et de pousser entre les cellules du cortex racinaire, entre les cellules de la plante. Et c'est là où se déroulent les échanges entre la plante et le champignon. Deux organismes qui appartiennent à des royaumes de la vie différents, mais qui vont communiquer, échanger et établir un troc. Le champignon va transférer les éléments minéraux vers la racine et la plante. Ça, j'ai compris. Et en échange de ce travail de prospecteur, de mineur, de transporteur, la plante va rétribuer le champignon sous forme de sucre. Les sucres, n'oublions pas, c'est le combustible, l'énergie de toute vie. La vie de l'arbre, mais également la vie du champignon. Donc on a bien un commerce équitable. Mm-hmm. On a bien un commerce équitable entre la plante et le champignon. Le champignon fournit les éléments minéraux indispensables à la croissance. Et la plante va fournir les sucres indispensables au fonctionnement du champignon et à la construction de ce réseau qui va parcourir le sol. Francis Martin, quel rapport entre ces champignons microscopiques et ceux qu'on va ramasser en forêt? À l'automne, le plus souvent à l'automne, sous l'effet de facteurs qu'on connaît très mal encore aujourd'hui, une partie de ce réseau mycélien, de ce réseau de champignons, va produire des petits embryons, des petits amas, des petits agrégats de filaments qui vont donner naissance à une structure qui va sortir de terre et qu'on voit en forêt, qu'on appelle le chapeau du champignon. Alors, tous les champignons ne font pas ce chapeau, mais beaucoup de champignons qui sont collectés par les promeneurs en forêt, les amanites, les chanterelles, les cèpes, sont des champignons symbiotiques associés aux arbres, présents sous le sol de la forêt, présents sous les pas du promeneur. Donc présents tout le temps, mais ils n'apparaissent qu'à un certain moment. Le plus souvent, pour la plupart de ces champignons associés aux arbres, c'est à l'automne qu'ils vont fructifier. Il y a des poussées de champignons, et on appelle cette structure qui est en fait l'appareil sexuel des champignons, le pied, son chapeau, et si vous avez une loupe, vous pouvez regarder sur les lamelles qui sont sous le chapeau, vous y distinguerez des structures qui ressemblent à des petites battes de baseball, et dans ces structures qu'on appelle les basides, chez l'amanite par exemple, va se dérouler le processus sexuel qui donne naissance aux gamètes qui vont propager l'espèce. Donc quand on mange des champignons, on mange des organes sexuels ? Ben oui, mais ça peut être délicieux. Alors, arbres et champignons sont indissociables. J'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de la truffe qui est très liée au chêne. Alors, la truffe est l'un des champignons emblématiques de la gastronomie française. Bien entendu, quand on a décidé dans notre équipe de travailler sur les interactions entre les arbres et les champignons symbiotiques, on a choisi un certain nombre de modèles, et puis on s'est dit, il faut vraiment qu'on comprenne mieux les interactions entre la truffe, qui est un champignon symbiotique, mm-hmm. et les arbres qui l'hébergent, comme le chêne ou le noisetier. On comprend pas encore bien comment les arbres interagissent avec le cortège de micro-organismes de la truffière, et en particulier le champignon qu'on appelle la truffe. 5 janvier 1983, magazine agricole de FR3. Lorsqu'on sait que la truffe est un champignon dont le cycle biologique se déroule entièrement sous terre, un certain nombre de conditions favorisent son développement. Un sol calcaire bien exposé et bien drainé, un pH supérieur à 7,5, une roche filtrante, peu profonde et bien pourvue en matière organique. Il appartient alors à la nature de faire son œuvre, une œuvre encore bien mystérieuse et sur laquelle les chercheurs se trouvent confrontés à une masse d'hypothèses, car la truffe n'a pas dévoilé ses secrets. Contentons-nous donc de son arôme auquel les chiens, les mouches et les truies sont tout à fait sensibles. Ça, c'était en 1983 et on a fait des progrès depuis. Oui, on a bien progressé sur la compréhension de la biologie de ce champignon, sur son écologie, sur sa génétique. Donc aujourd'hui, il est indispensable de poursuivre ces recherches parce que la production de truffes a chuté de façon considérable entre le début du XXe siècle, où se récoltaient en France à peu près un millier de tonnes de truffes, essentiellement dans le sud-est et dans le sud-ouest. Et aujourd'hui, la production de truffes a bien du mal à atteindre 50 tonnes. Mmh. Donc il y a bien une chute considérable de la production de truffes et qui est loin de satisfaire la demande. On a évoqué pendant très longtemps le changement climatique. Certainement que l'augmentation de la température, la multiplication des sécheresses, en particulier des sécheresses estivales, peuvent avoir un effet néfaste sur la production de la truffe. Mais c'est essentiellement des facteurs sociaux, sociologiques. En fait, la Grande Guerre a massacré, enfin des millions de paysans français ont été tués. Et ces paysans connaissaient les coins à truffes, allaient récolter les truffes. Donc ça, c'est un premier facteur qu'il faut pas négliger. Mais le facteur majeur, c'est la modification des paysages en France, et en particulier des paysages agricoles. Les troupeaux qui broutaient en bordure de forêt avaient un rôle essentiel. En fait, la truffe est un champignon qui vit avec des arbres en bordure de forêt, en lisière de forêt. Il faut que le couvert végétal soit très aéré. Aussitôt que la canopée, le houppier des arbres se rejoint, il y a moins d'eau qui atteint le sol, et du coup la production de truffes chute très rapidement. Et évidemment, le pastoralisme dans le sud de la France, il a considérablement changé. Donc en fait, on peut évoquer des mécanismes, des facteurs climatiques, mais je pense que le facteur majeur de la chute de la production de truffes en France soit essentiellement dû à des facteurs sociologiques. L'agriculture a changé de façon incroyable en 150 ans. Ah oui. Le réchauffement climatique et la pression humaine vont transformer la forêt. Francis Martin va vous dire comment dans un instant. Thank you. Que c'est doux pour les oreilles, si belle, Train. Les aventuriers sur France Inter. La forêt nous apporte de l'oxygène et abrite une biodiversité merveilleuse. Elle est également une grande source d'inspiration pour les chimistes. Elle peut nous offrir nos médicaments de demain. Mais la forêt est menacée par le réchauffement climatique, les sécheresses et les tempêtes. Alors, dans quelle forêt marcherons-nous dans quelques années ? Francis Martin, du laboratoire Arbre à l'INRA de Nancy. On me demande souvent à quoi ressemblera la forêt dans 30 ans, dans 50 ans, dans un siècle. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc c'est difficile d'avoir des certitudes. La plupart des recherches qui sont conduites aujourd'hui en France et dans le monde sur la forêt cherchent justement à comprendre comment les forêts vont réagir et s'adapter au dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ? On pense qu'aujourd'hui, si les changements climatiques ne sont pas catastrophiques, hein, si on reste dans une gamme raisonnable de plus de 2 degrés, dans 50 ans à un siècle, on pense aujourd'hui que dans nos forêts, les forêts ne vont pas radicalement changer. Il y a dans ces forêts des individus qui vont prendre le dessus, c'est les individus les plus adaptés. Donc des oliviers en banlieue parisienne ? Je ne pense pas. Non. Plutôt des hêtres ou des chênes mieux adaptés au climat qu'on va connaître dans 50 ans. Alors là, c'est si les scénarios, si le climat augmente de 2 degrés. S'il augmente de 4 degrés, moi, on est incapable de prédire ce qui va se passer. Il va y avoir des ruptures. Là, c'est impossible de prévoir et de prédire. Le réchauffement climatique va faire changer les forêts, donc, mais quelles sont les autres conséquences ? Avec le changement climatique, alors quand on dit changement climatique ou dérèglement climatique, on pense essentiellement, et on parle souvent de la température va s'élever, oui. des vagues de chaleur, mais également des sécheresses à répétition. Mais il ne faut pas l'oublier que le dérèglement climatique, c'est également la multiplication des tempêtes. Et là, les tempêtes font des ravages dans les forêts. On en a connu plusieurs ces 20 ou 30 dernières années. Elles provoquent des dégâts incroyables dans les massifs forestiers. On craint que ces tempêtes se multiplient. Un autre facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on a un dérèglement climatique, quand la température augmente, eh bien, il y a des espèces d'insectes ravageurs, des prédateurs des arbres, qui sont plutôt dans le sud de l'Europe aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas. En France, il y a encore quelques dizaines d'années, qui commencent à coloniser les forêts et montent, migrent vers le nord. La chenille processionnaire est un bel exemple de parasite qui commence à envahir, y compris les forêts du nord-est. Et là, c'est difficile de faire des prédictions. Là, par contre, pour les insectes, on sait à quelle vitesse ces ravageurs migrent chaque année. Et on a déjà des cartes, on peut vous dire, où la chenille processionnaire sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Là, au contraire, c'est vraiment un front, c'est une invasion. Et on sait à quelle vitesse ces insectes ou ces champignons ravageurs colonisent le territoire. Ça peut migrer de plusieurs kilomètres chaque année. Et en dehors du réchauffement climatique, qu'est-ce qui menace les forêts ? Là, il faudrait distinguer l'Europe, la France en particulier, du reste de certaines parties du reste du monde. C'est-à-dire que l'autre menace que pourraient subir les forêts, c'est une exploitation excessive. C'est-à-dire les pratiques, l'utilisation des forêts peut changer. Par exemple, le Grenelle de l'environnement recommande de faire un appel plus... que le pourcentage de bioénergie soit plus important. C'est-à-dire qu'on utilise plus le bois pour produire de l'énergie. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne recommandation, parce qu'en fait, couper du bois ou utiliser les déchets de la forêt, comme on le fait aujourd'hui, oui, pour faire tourner des centrales thermiques, est-ce que c'est le bon sens? Je suis pas sûr. Donc là, il y a un danger potentiel. Si c'est une nouvelle pratique sylvicole, par exemple à l'exportation des déchets de la forêt qu'on appelle les rémanents, si c'est pas parfaitement contrôlé, on risque de perturber les cycles biogéochimiques, les cycles d'éléments nutritifs dans la forêt. Donc la pratique sylvicole, le parcours d'aménagement de la forêt, peut, en étant modifié de façon draconienne, affecter la croissance des forêts. 22 septembre 1949, actualité française. Dans les Landes, après les gigantesques incendies de l'été, un nouveau fléau a fait son apparition sous la forme d'insectes qui, tels les redoutables bostriches, s'attaquent aux troncs demeurés debout. Répondant à l'appel des pouvoirs publics, l'industrie chimique française a mis immédiatement au point des produits de protection qui, pulvérisés dans les zones sinistrées, permettront la conservation de l'immense richesse que représentent pour le pays les 4 millions de mètres cubes de bois qui ont pu être sauvés. On ne fait plus ça. Non. On ne pulvérise pas les forêts. Je suis pas sûr que ce soit très rentable, d'ailleurs. Donc, en fait, non. L'aménagement sylvicole fait appel à d'autres techniques. Quand il y a une invasion, éventuellement, d'insectes, on peut très localement intervenir. Mais malheureusement, on considère que c'est quasiment impossible de contrôler un ravageur qui attaque une forêt. On peut ponctuellement, on parlait de la chenille processionnaire, si jamais des chenilles processionnaires envahissent une chaînée à proximité d'une école, on va intervenir, parce qu'il y a des effets allergiques très puissants des poils de chenille. Donc pour les humains qui vivent autour, ça devient intenable. Donc là, on peut intervenir, on peut pulvériser. Mais vous voyez, c'est très localisé. Sur un massif forestier, on utilise pas de produits chimiques phytosanitaires. Plus, en tout cas, voilà. En plus, je pense que ce serait assez mal perçu par les environnementalistes. Francis Martin, qui est-ce qui s'intéresse à vos travaux? Il y a plusieurs groupes de personnes qui peuvent s'intéresser aux travaux qui sont menés sur la forêt. Il y a les biologistes. D'abord, comprendre, encore une fois, on distingue bien dans nos travaux, en fait, ce qui est du ressort de la connaissance fondamentale, de la recherche fondamentale. Il faut continuer à comprendre ce qu'est un arbre, ce qu'est un champignon, comment ils interagissent. Donc là, c'est essayer de comprendre les règles qui régissent le fonctionnement de ces organismes-là. C'est décortiquer les mécanismes biochimiques, génétiques, physiologiques, qui font qu'un arbre est un arbre et qu'un champignon est un champignon et qu'une symbiose va pouvoir s'établir entre les deux. Là, c'est presque, j'allais dire, c'est la recherche fondamentale de la recherche académique. Donc là, ceux qui sont intéressés, c'est les autres collègues français, américains ou chinois qui ont les mêmes préoccupations que moi. C'est-à-dire, comment fonctionne un arbre. Et puis, nos recherches, très vite, on s'est aperçu, heureusement d'ailleurs, on est quand même financé par l'argent du contribuable, ces recherches peuvent avoir des retombées. Une meilleure compréhension des effets du changement climatique que nous avons évoqué, améliorer la production de la truffe, ce que nous avons également évoqué. Donc nos travaux peuvent avoir des retombées relativement rapides sur l'écologie, sur la sylviculture ou sur la production d'un certain nombre de champignons si on s'intéresse aux champignons. Une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez trouver, découvrir? Oui, il reste tellement de mystères. Ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ces interactions, sur les arbres d'abord, encore une fois. Ça reste l'objet pour moi majeur de mes préoccupations, comment fonctionne un arbre adulte. La plupart des travaux qui ont été conduits jusqu'à présent ont été conduits sur des systèmes simplifiés. Ce qui nous reste à faire, et j'espère qu'il me reste assez d'années de recherche à conduire pour pouvoir répondre en partie à ces problématiques et ces questions, c'est que se passe-t-il dans la forêt? Que se passe-t-il quand une dizaine d'espèces d'arbres différents interagissent les uns avec les autres? Que se passe-t-il quand ces arbres interagissent avec, non pas un champignon, comme dans les boîtes de pétri du laboratoire, mais avec une centaine, voire avec un millier d'espèces de champignons? Aujourd'hui, je n'ai aucune idée, nous n'avons aucune idée de la façon dont se produisent, se réalisent ces mécanismes biochimiques, physiologiques, génétiques, dans une vraie forêt. On espère que ce qu'on découvre et qu'on met en évidence sur des systèmes simplifiés existe bien dans la nature, mais la grande limitation des recherches aujourd'hui, en biologie et en écologie forestière, c'est que se passe-t-il dans le monde réel. Donc j'espère, avant de partir à la retraite, mieux comprendre comment fonctionne une forêt. Francis Martin est l'auteur de « Sous la forêt » aux éditions Humaine Science. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Tous les Saventuriers de l'été sont déjà en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise « Les Saventuriers » avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka, à la documentation musicale Romain Couturier. Merci aussi à Sabine Dahuron de l'INA pour les archives sonores. Demain, nous parlerons de la mer. La mer est bourrée de promesses, nous dira Philippe Goulecker de l'Ifremer. En attendant, très bonne fin de journée sur France Inter. Dans un instant, vous retrouverez Jean-Claude Amezen. À demain.